بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نبدأ اليوم في هذا الدرس الدرس السابع والعشرون أو والعشرين بابا جديدا. Nous allons commencer aujourd'hui dans ce cours, durant ce cours, le cours numéro 27. Un nouveau chapitre, Babu al-Imama, le chapitre lié à l'imama. Ma huwa al-murad bil-imama? Qu'est-ce qui est voulu par le mot al-imama? Al-imama inda al-ulama tutlaqu ala umur. Al-imama, chez les savants, ce mot est prononcé pour plusieurs raisons. Awalan al-imama tul-kubra. Premièrement, le grand imam, le grand rôle d'imam. Aïe el-Khalifa, ou el-Malik, ou el-Ma'iladelik, c'est-à-dire le Khalifa, ou alors le roi, le gouverneur, tout ce qui va dans ce sens. Cela s'appelle donc le rôle de el-Imama. Et on l'appelle l'imam. Ou akedelika el-Imama tous sohra. Et aussi le petit rôle d'imam. Wal-Murad, l'imam fis salat. Ce qui est voulu par là, c'est l'imam qui dirige la prière. Wa-hada huwa al-maqsoudu huna. Et c'est ce qui est voulu ici dans ce livre. Wa-kadhalika tutlaqu al-imama 'ala al-'alim alladhi yuqtada bihi. Et aussi, le mot al-imama est cité pour le savant. Le savant que les gens vont suivre, le savant qui va être suivi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. Nous avons fait parmi eux des savants. Des savants qui guident, des imams, c'est-à-dire des savants qui guident par notre ordre. وَالصَّلَاةُ أَعْظَمُ الْعِبَادَاتِ وَأَعْظَمُ الْأَرْكَانِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ. La prière, comme on l'a vu précédemment, est le plus important des piliers après les deux attestations de foi. وَلَا تَصْلَحُ هَذِهِ الْعِبَادَةِ مَعَ الْفَوْضَى. Et cet acte d'adoration n'est pas correct avec le désordre total. فَلِذَلِكَ جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِمَامًا يَتَابِعُهُ النَّاسِ. Et c'est pour cela que Allah, tabaraka wa ta'ala, a placé un imam durant cet acte d'adoration, et les gens vont suivre cet imam afin qu'il y ait de l'organisation et de l'harmonie dans l'accomplissement de cet acte d'adoration. فَقَالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أو يجعل صورته صورة حمار. Le premier hadith, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: est-ce que celui qui lève sa tête avant l'imam, avant que l'imam ne lève sa tête, n'a pas peur que Allah change sa tête en tête d'âne, ou Allah change son apparence en apparence d'âne? Muttafaqun alayh. Le hadith rapporté dans les deux recueils authentiques de Al-Bukhari et Al-Muslim. هذا الحديث ظاهر في تحريم مسابقة الإمام في الرفع. Ce hadith est clair dans le fait de montrer l'interdiction de précéder l'imam dans le fait de se lever. Donc on ne doit pas se lever avant l'imam, que ce soit pour le ruku', l'inclinaison, ou pour la prosternation. On ne doit pas se lever avant l'imam. Wa yufhamu minhu aydan tahrimul khafdi qabla al-imam. Et on comprend aussi de cela l'interdiction du fait de se baisser avant l'imam. On ne doit pas se baisser, que ça soit pour l'inclinaison ou la prosternation, avant l'imam. لأن العلة واحدة وهي مسابقة الإمام. Pourquoi? Parce que la cause est la même. que ce soit dans le fait de se lever ou de se baisser, la cause est la même, c'est le fait de précéder l'imam. On n'a pas le droit donc, durant la prière, de précéder l'imam. لَكِنَّهُ جَاءَ فِي مُصَنَّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا إِنَّ الَّذِي يَخْفَضُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ إِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ. Certes, il a été rapporté dans le recueil d'Abd al-Razzaq, selon Abi Hurairah radiallahu anhu, qui attribue la parole au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, certes, celui qui se baisse et qui lève sa tête avant l'imam, sont tout paix entre les mains du diable, sont tout paix entre les mains du shaytan. وَجَاءَ أَيْضًا عَنْ إِبْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ سبق إمامه فقال لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. Il a été aussi rapporté d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu qu'il a dit à un homme, qu'il a regardé un homme qui précédait son imam durant la prière et lui a dit, tu n'as pas prié seul, non seulement tu n'as pas prié seul, mais en plus tu n'as pas suivi ton imam. Tu n'as pas prié seul et tu n'as pas suivi ton imam. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على تحريم مسابقة الإمام. Et شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, il a cité l'unanimité quant au fait de précéder l'imam. Alors faites attention à ce sujet, c'est un sujet important, particulièrement quand vous avez un imam qui fait 2 mètres et qui va mettre plus de temps à descendre que vous. Donc faites attention à être sûr qu'il soit descendu avant de descendre. Ne vous précipitez pas en cela. Barakallahu fikum. Qala al-Bukhari fi sahihihi. Babu meta yasjudu man khalfa al-imam. Wa qala Anas fa idha sajada fasjudu. Al-Bukhari, il dit dans son livre As-Sahih, le chapitre, quand est-ce que se prosterne celui qui est derrière l'imam? Et Anas a dit, c'est-à-dire c'est Al-Bukhari ici, Al-Bukhari il dit, et Anas a dit, et lorsqu'il se prosterne, alors, lorsqu'il s'est prosterné, fait ida sajad, lorsqu'il s'est prosterné, alors prosternez-vous. Alors prosternez-vous. Tayyib. فهذا أيها الإخوة وعيد شديد. Et donc ceci, les frères, est une lourde menace. Le fait que Allah tabaraka wa ta'ala yuhawwilu surat al-insan surat al-himar. Le fait que Allah, il change l'apparence de l'individu en nan. فهذا وعيد شديد. C'est une sentence et une lourde menace. والمعروف عند العلماء أن الوعيد والوعد يختلفان. Et il est connu chez les savants que la menace et la promesse sont deux choses différentes. فأما الوعد فلا بد من وقوعه. En ce qui concerne la promesse, alors elle est impérative. Il est impératif que la promesse soit effectuée. Allah tabaraka wa ta'ala qui a promis qu'il secourt les croyants. Ça, c'est obligatoire. Obligatoire. Allah Azza wa Jal, il promet, et donc il promet quelque chose, il ne va pas manquer à sa promesse. Il ne manque pas à sa promesse. Maintenant, al-wa'id, la menace, fait qu'od yaqa' wa qu'od ya'fullahu anil abdi. En ce qui concerne la menace, il se peut que la menace s'applique sur le serviteur. Mais il se peut aussi que Allah tabaraka wa ta'ala pardonne celui-ci et n'applique pas la menace. Wa qala ba'd al-ulama inna at-tahwila huna ma'nawi. Certains savants ont dit que la transformation ici, c'est une transformation au sens figuré, pas au sens propre. Wa anna al-murad أن الله تبارك وتعالى يجعل الذي سبق إمامه بليدا لا يفهم شيئا لأن الحمار يطلق على البلادة. Et donc certains savants, ils disent donc que ce qui est voulu ici, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala, il fera que celui qui a précédé l'imam, il fera que celui-ci devienne belid, c'est-à-dire une personne qui n'est pas douée d'intelligence, il ne comprend rien. Pourquoi ? Parce que el-himar, le mot âne, est aussi utilisé pour el-belada, le manque d'intelligence. Le mot âne est aussi utilisé par le pour le manque d'intelligence. Et donc ils disent, ce qui est voulu par là, c'est pas que Allah va changer la personne, son apparence en âne, mais c'est que Allah fera que cette personne ne comprendra plus rien. Wa qala ba'duhum bal at-tahwil haqiqiyyun. Fa inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara fi riwayatin ukhra aw yaj'al Allah suratahu surata kalbin. Et d'autres savants ils disent non, la transformation ici, elle est concrète, elle est réelle. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans d'autres narrations que Allah tabaraka wa ta'ala changera son apparence en apparence de chien. Pas d'âne. Fekolou le sahunaka alaka bil belada. Ils ont dit, et donc ici, il n'y a pas de lien avec le manque d'intelligence. Il n'y a pas de lien avec le manque d'intelligence ici, quand on cite donc le chien. Et donc, ils disent que c'est une transformation concrète. Wa qawlun thalith zakarahu Ibn al-Mulaqqin fi sharhihi ala 'Umdat al-Ahkam, un troisième avis qu'a cité Ibn al-Mulaqqin dans 'Umdat al-Ahkam. Il dit que qala ba'd al-ulama in al-murad anna Allah tabaraka wa ta'ala yuhawwilu suratahu yawm al-qiyamah. Ils disent, donc certains savants, ils disent que ce qui est voulu par là, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala va changer l'apparence de cette personne en âne ou en chien au jour du jugement, au jour de la résurrection. Pas maintenant. Thumma, law sabaqa al-ma'moum al-imam fi takbirati al-ihram. Si la personne, le ma'moum, celui qui prie derrière l'imam, si celui-ci précède l'imam dans le fait de faire takbiratul ihram, donc le fait de dire Allahu Akbar quand tu commences la salat, si la personne le fait avant l'imam, fait salatuhu lam tan'aqid inda al-imam al-arba'a. Et donc sa prière à la base, la personne qui fait ça avant l'imam, sa prière elle n'a même pas commencé. Sa prière n'a pas commencé. Et ça, c'est chez les quatre imams, dans les quatre écoles. Fais la Bouddha en tantavir l'imam. Tu dois absolument attendre l'imam. Taïd, lau karana takbirahu takbir l'imam. S'il fait le takbir en même temps que l'imam, il ne l'a pas fait avant, il l'a fait en même temps. Kalu kedelika botulet. Ils ont dit de la même façon, sa prière, elle est caduque. La Bouddha an tantadhira hatta yukabbir al-imam wa yantahiya min takbirati al-ihram. Il est impératif que tu attendes que l'imam fasse le takbir et qu'il finisse takbirati al-ihram. Tu ne fais pas avant lui et tu ne fais pas en même temps que lui. Et tu ne fais pas en même temps que lui. Il y a des actes durant la salat, où il est recommandé de faire en même temps que l'imam. En même temps que l'imam. Comme par exemple, ils disent les savants, ta'min, le fait de dire amin. Ils disent là, c'est recommandé de faire en même temps que l'imam. Et donc, il faut distinguer ce genre d'acte. Et comment est-ce qu'on voit ça? C'est lorsqu'on étudie les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la description de la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, à tel moment, faites comme ça. À tel moment, fait comme ça. Lorsque l'imam dit ça ou fait ça, faites comme ça. Et c'est là qu'on voit que, à tel moment, on doit dire comme l'imam ou faire comme lui, en même temps que lui ou après lui. Et tout cela, on le fait, inshallah ta'ala, on va voir tout ça petit à petit à force d'apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la description de la prière. Fa'il, l'an annahu سبق الإمام في ركن آخر. Si la personne elle précède l'imam dans un autre pilier que تكبيرة الإحرام. مثلا سجد الإمام. Par exemple, l'imam il se prosterne. L'imam il fait 2 mètres. Il met 4 secondes pour descendre. Et il y a un frère, il fait 1 mètre 25. Il met une seconde pour descendre. C'est ça ou pas? Plus? Tu sais pas combien? On va dire 1 m50. Et donc, lui, il descend très vite. Est-ce que sa prière, elle est valide ou pas? ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلان الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله il voit que la prière elle est caduque. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit que celui qui fait ça, celui qui fait cela, on craint de lui que Allah Azza wa Jal le change en âne ou en chien. Cela montre la gravité de l'acte. Cela montre la gravité de l'acte. وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى صحة الصلاة مع الإثم. Imam Abu Hanifa, Malik et Shafi'i, ils voient que la prière elle est correcte et acceptée, sauf que la personne a péché. La personne a péché. Wa ar-rajihu inshallah ta'ala qawl al-jumhur. Et la vie le plus juste inshallah est la vie de al-jumhur, la majorité des savants. Pourquoi? لأن الحديث هنا دليل على الإثم. Parce que le hadith ici est une preuve que c'est un péché, effectivement, que la personne a mal fait. ولكن ليس فيه أن الصلاة باطلة وأن الإنسان يلزمه أو تلزمه إعادة الصلاة. Il n'y a pas dans ce hadith une preuve montrant que la personne doit recommencer la prière. Il n'y a pas dans ce hadith une preuve que la personne doit recommencer la prière. Et donc la prière, elle est valable, mais la personne a péché. La personne a péché. Et donc on doit faire très attention à cela concernant le suivi de l'imam. Et on verra, incha'Allah ta'ala, dans ce même chapitre, plusieurs sujets liés à cela, comme par exemple, lorsque tu es voyageur et que tu vas prier le maghrib et que l'imam, lui, va prier l'isha ou inversement, etc. On va voir tout cela, inshallah ta'ala, et on demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une science profitable et laisser être capable de toutes choses. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.